Septembre 1802. Fort de Joux. Les saisons filent. La pierre demeure grise et froide. Le temps reste à la porte. C'est une prison. Prison d'État. Raison d'État. Le poids écrasant de l'ordre des choses. Un décor gothique, un décor romantique, un château de comte, oui, mais pas de bon comte. Pas de bon ami, nulle princesse à enlever de sa tour, nul souillon à relever de sa fange. C'est du château de l'ogre dont il s'agit, Barbe Bleue, Gilles de Rais et tutti quanti. L'ogre, le monstre, le cauchemar, sauf qu'ici, il s'appelle Bonaparte. Anciennement, Buonaparte, général de la République. Il a tombé le U, le voici Bonaparte, premier consul. Bientôt il tombera le masque, ce sera Napoléon. La jeunesse d'Europe et de France a commencé à tomber, elle aussi. Pour des années encore, ce seront des moissons de légendes pour la grande faucheuse. Mais bon, c'est une question de point de vue. Après tout, pour sa famille, c'est un chic type. L'ogre. Bon époux, bon père, le garde-manger toujours plein d'une chair toujours fraîche. Que demande le peuple ? Fort de Joux, septembre 1802. La saison est encore belle. Les murs du fort uniment gris, froids et suintants. Sur le chemin, là-bas, entouré de ses amis, voici Pierre. 13 ans peut-être. Orphelin de mère. Nourri, logé et blanchi au fort de Joux, avec son père, vétéran invalide des campagnes d'Italie, à qui ses blessures glorieuses ont valu un emploi de porte-clés à la prison, et qui envoie son fils à sa place quand il faut franchir trop d'escaliers pour la jambe qui lui reste. Pour l'heure, Pierre n'est pas de service. Il joue avec ses copains. Aux soldats, bien sûr. À quoi ressemble-t-il? À vrai dire, dans la poussière du chemin, rien ne le distingue des autres, sinon de l'avoir nommé. Cependant, il ne marche pas vraiment dans le rang. Devant, un grand escogriffe mène la troupe en hurlant une cadence martiale. Sans doute, c'est le chef.